J'espère que les auditeurs de Radio Panique nous écoutent à Binche, à Maastricht, à Rio de Janeiro, en Nouvelle-Orléans ou bien même, je sais pas où, à Venise. À Saint-Gilles. Non, à Saint-Gilles, non, je pense pas. À Bruxelles, mine. Bon, je sais pas si à Bruxelles, en fait, le Mardi Gras. Mais bon, vous êtes prêts ou quoi, les gars, à Tortelli? Oh, on est prêts, oh. C'est Copacabana, oh. Tortelli et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Bonjour à tous, welcome. Yo, vous êtes bien sur Tortelli Arbatax, t'es branché sur le 105.4. C'est comme toutes les semaines, c'est le mardi 17-18. Et cette semaine, Tortelli Arbatax sont accompagnés de Mama Maguette. Maguette. Ça va Maguette? Je sais pas si on entend Maguette, est-ce qu'on peut vérifier ça en régie? On peut. Yo, one two. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Content de vous retrouver tout le monde, on est là pour 60 minutes de son, un petit peu de rigolade, enfin en tout cas on va essayer. 60 minutes inside. Yo. Derrière les murs vous êtes, derrière les murs, avec Harry Roselmack. Non. Tortelli, je sais pas, début de semaine ensoleillé, le week-end est encore pas très très loin, je sais pas, raconte-nous des trucs, quoi de neuf. Le week-end vient de partir, le week-end vient de revenir, voilà. Ah ouais. Je fais des allers-retours avec mon week-end. Tranquille. Cette semaine, dans l'actualité, il y a quoi? Il y a que Dr Quest qui vient de nous quitter. Il est en soirée sur Bruxelles au Flip. Yes, il vient vendredi. Avec son masque. Il sera là avec son masque vénitien. Donc, si vous aimez le son de Dr Quest, c'est au Flip, hein, soirée Switch vendredi. Enfin, on en reparle dans l'agenda Q. Calme-toi pour l'agenda Q. À la mi-émission. Et puis, bah, pourquoi un masque vénitien? Parce qu'en fait, c'est une semaine de carnaval. C'est carnaval. Carnaval, tout bien, mes amis, tout bien. Bienvenue sur Radio Panique. Tortelli, ça fait un an qu'il est chaud, quoi. Ça fait un an qu'il est chaud, il est déguisé tous les jours. Je l'attends, cette émission. Mission nouche, c'est Copacabana, ouche. Mais avant ça, un générique inouche. Générique inouche, c'est Osana. Pour ceux qui suivent un petit peu le Facebook de Tortelli Arbatax, il y a 15 jours, on avait mis un lip dub bien pour Avasway et d'étudiants qui faisaient un lip dub sur cette musique. C'était bien pour Av, vous pouvez retourner voir. Ça s'appelle Osana. C'est le lip dub de l'aumônerie de Rennes. Voilà. Big up les Bretons, Kenavo. T'as juste à kiffer. Radio Papa, Radio Panique. Tu m'as relevé. Comment ne pas te louer? En toi j'ai trouvé. Comment ne pas te louer? La vraie liberté. Je tiens proclamer. Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh oh. Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh. Hey! Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh oh. Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh. Hey. Tu es mon sauveur. Comment ne pas te chanter? Mon libérateur. Comment ne pas te chanter? Toi mon défenseur. Comment ne pas te chanter? Jésus mon Seigneur. Le chant de mon Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh. Tu es la lumière, comment ne pas t'adorer, ton amour m'éclaire, ma prière, inonde la terre, ô Dieu notre Père. Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh, hey, Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh. Un jour on l'aura dans l'oignon. Ah ah, 105.4, 17h-18h, Tortolier Arbatax, you know. C'était le générique. Hosanna, Hosanna. Yes, gros Hosanna. Carton. Oh, oh. Gros carton, carton sur internet. Carton. Carton. Et si quelqu'un, d'ailleurs, je me demandais si quelqu'un sait ce que ça veut dire Hosanna ou je sais pas quoi. Il y a une référence Hosanna. À. C'est une chanson. Enfin, une chanson, c'est un chant d'église. Un chant d'église, ouais, carrément. Hosanna carrément. Au plus haut des cieux. Ouais. Voilà. Comment tu connais ça, toi, Maguette? Bah, j'étais à la messe, quoi. Bah, quand j'étais ça? À la messe, quoi. Quand ça? J'ai fait ma communion et tout. Ah! Ah, bah attends, bah tu nous fais une petite recherche là-dessus pour la semaine prochaine. Ouais, ok. Je sais pas, Hosanna, ça doit vouloir dire quelque chose ce mot-là. Ouais, c'est Alléluia ou je sais pas quoi. Ouais, genre. Bon, qu'est-ce qu'on entend derrière là? Qu'est-ce qu'on entend? On entend un. Un son de 2003. Un son de 2003 qui s'appelle Depuis que je fume plus de shit, c'était le groupe Stupéflip. Le groupe Stupéflip, exactement. J'avais bien kiffé ce son il y a 8 ans. Oh, exact, exact, 2003. Ouais, 2003. Stupéflip, One Man Group ou quoi? Il y a un mystère là-dessus. En fait, c'est un groupe composé par un mec qui s'appelle Julien Barthélémy. Et lui, il incarne plusieurs personnages. Enfin, j'adore déjà ce prénom. Oui. Et il incarne Barthélémy. Plusieurs personnages. Enfin, l'autre. L'autre. King Ju, Cadillac, Sadomaso, je crois, et Pop-Hip. D'accord, il change ses voix, il modifie. Ouais, voilà. Il fait tout lui-même. Gorillaz, quoi, un petit peu. En mode Gorillaz. Ouais, sauf qu'ils sont deux. Dans Gorillaz. Mm-hmm. Deux, mais ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Enfin, deux ouais. Pour faire 4 mecs, 5 mecs, quoi. Ouais, exact. Ok, ça va. Et donc, bref, du coup, et en fait, du coup pourquoi on en parle? Pourquoi on en parle? Parce que, voilà, parce que c'est sorti la semaine prochaine, C'est sorti la semaine dernière, le nouvel album, le troisième album, ça s'appelle The Hypnoflip Invasion. Voilà, c'est fat. C'est tellement fat qu'on va vous en passer. Ça tourne à la maison quand même, j'ai envie de dire. Ouais, ça tourne dans la tête, ça tourne à la maison. En tout cas, ça empêche de dormir, quoi. C'est en mode, un petit peu en mode excitant, quoi. C'est cosmique. Il y a, je sais pas, 17, 18 morceaux, tous à fond de balle. 21, ouais. Bien, exactement. Bien délire, 21. Exact. Bah, ça va, j'ai pas fini le téléchargement. J'ai pas eu tout le dossier. Et voilà, tellement on aime ça dans Tortolier Arbatax. On va vous en passer un maintenant et un autre plus tard. Tout simplement. Souvent, on donne pas d'heure. Restez quoi, on va facile, revenir. C'est facile. Et là, le premier titre, il s'appelle Stupéflip, vite. Vite. Attention, ça envoie du lard. Ça envoie du lard. Celui-là, il est un petit peu en mode rap. Rien que pour toi. Moi, je rase carcapac et je t'attaque avec mon mag. La vie, une chose, trappe pas de quartier. Quand les lyrics frappent, mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince. Là, qui revient mince. Tous les mardis pour te serrer la pince. Donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages. Écoute mon cœur, écoute la rage. Écoute ce texte en propre phare. Écoute ce mec qui veut te réac. Écoute cette personne qui craque. Écoute le cri des animaux quand on les enfouit dans un sac. On revient fier. Tapis dans l'ombre pendant des millénaires. Ses poumons t'éclairent comme le DF ou nucléaire. Alors ferme ta gueule. Les argémiens marchent seuls. Pas de meuf, pas de taf, pas de bouffe. C'est bien casse-gueule. Je me calmerai jamais. J'en ai trop gros sur la patate. Je coupe les pattes. Stupéflip, vite, te chier dans le crâne. Faire un petit tas, c'est obscur que je cause. Qui est en toi, qui je cause. Dans ton fort intérieur, y'a un enfant qui pleure. Toi tu te sens plus, lui je sens mal. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Donc connais le petit gars qui est en toi. Le ptio, la piote qui chiale, l'enfant c'est toi. Tu préfères te cacher, faire le steak haché. Sous vide, t'as du mal à respirer. C'est toi là-haut, dans la cour des grands, qui fait semblant. Quand le fanfaron, la putain qui tourne en rond. Même si les crames est dans les snacks. Tu l'as séquestré, baïonné, nicoté. Ah, stupéflip, vite, stupéflip, vite, stupéflip, vite, stupéflip, vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même si les crames est dans les snacks. Tu l'as séquestré, baïonné, nicoté. Je ne casse pas, je ne me marre pas, je n'espère pas. J'observe les autres qui partent en couille ou en chip pour la tarte. Puisqu'il n'y a pas à me juger, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, grand. C'est pas le carnaval des enfoirés ni Augustin le Grand. 4 par 4, je découpe mes rêves avec un cimetière. Noir les petits chats, tu les espoirs avec un lance-pierre. Mais tout, j'ai pas fait tous les trucs. J'ai fait mes 60 prières par terre dans la poudrière. Fou sentimental, j'étais souvent cherché. Mais où es-tu? Où sont les utopies? Où sont les éveillés? Où sont les belles dames, les belles âmes? Où sont les cérébrés? Ras le bol d'être tout seul, je suis fatigué d'expliquer. Utopiste debout, j'ai des lyrics en stock. Et si plus personne comprend, je m'exile à pétard où je meurs. Alors laisse-moi triper, laisse frayer, oum, non, ma vie, non. Je suis pas cet esclave qui attend le week-end pour s'enfuir. Ah, stupéflip, vite, stupéflip, vite, stupé, stupéflip, vite, stupéflip, vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même si les crames est dans les snacks. Tu l'as séqué. C'est les crames et dans les snacks. Tu l'as séquestré, baïonné, nicoté. Tu l'as séquestré, baïonné, nicoté. Tu l'as séquestré, baïonné, nicoté. Baïonné, nicoté. Baïonné, nicoté. Baïonné, nicoté. Baïonné, nicoté. Breaking news. Alors attention, parce que là on parle de carnavalite aiguë, parce qu'on a un petit peu de semaine carnaval. Et du coup on est en train de parler avec Tortoli et Maguette de Brandao, le fameux joueur de l'Olympique de Marseille. Ah vas-y pour cette breaking news. Qu'est-ce soi-disant joueur de football. Que se passe-t-il? Eh ben on apprend que ce week-end, dans un article publié dans le Parisien, le 8 mars, c'est aujourd'hui, que ce week-end il s'est pas présenté à l'entraînement. Et pour cause, pas ce week-end, mardi matin, ce matin même, il s'est pas présenté à l'entraînement parce qu'il est accusé de viol, en fait, en tout cas de tentative de viol. Ouais, c'est pas un problème, ça. Il est accusé, je dis bien. Et donc, il a pas pu se pointer à l'entraînement. J'ai pas touché. Et en fait, c'est une jeune fille âgée de 23 ans qui l'a accusé, qui a tardé à porter plainte parce que ça s'est passé la semaine dernière. Et en fait, ça se serait passé sur une aire d'autoroute entre Aix-en-Provence et Marseille. Donc, le mec l'aurait carrément arrêté sur une aire d'autoroute en mode classe et aurait tenté d'abuser d'elle. Donc, Brandao qui décidément fait parler de lui toutes les semaines, puisqu'on avait la fameuse vidéo, le petit buzz de la semaine dernière, où il y a 15 jours, je sais pas, de j'ai pas touché. J'ai pas touché. Non, et la semaine dernière, il a dit ferme ta gueule. La semaine dernière, c'était clairement ferme ta gueule. Voilà, ferme ta en gueule, fait, un supporter de l'OM. Pour resituer le contexte, c'est un joueur de l'OM qui est brésilien et donc a un accent tout bien, tranquille, comme tu ça. Tu nous prends pour des Colombiens ou quoi? Non, mais il y a des gens qui aiment pas le football. Je sais, Maguette. Ouais, je connais pas. Elle s'en fout de Brandao. C'est pas grave, on parle d'un joueur de foot, bon, ça pourrait être un autre, mais là malheureusement c'est Brandao. Non mais Brandao, ils peuvent croire que c'est une marque de yaourt ou je sais pas, tu vois, c'est Brandao. Ouais, une recette culinaire. Et ben voilà, mais du coup on rappelle que le joueur nie quand même les faits et que on vous tient au courant bien sûr, hein, de cette affaire. Ouais, moi ça m'a bien inspiré cette histoire parce que qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un Brandao-mesme. Oh, Brandao-mesme. On marque le carnaval. On va écouter ça. Hommage. On se revoit juste après. J'ai pas touché. J'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. La touché. J'ai pas touché. La touché. La touché. La touché. La touché. La touché. Ta gueule. Ça te fait pas de la peine? C'est possible, mais toutes les télés ont parlé de cette histoire. Et je ne suis pas tout seul. Ah, vous êtes plusieurs? Deux. C'est un début. Je m'appelle Arbatax. Je fais partie du FBI. Comme par hasard. Je suis quand même pas plus con que tous ces imbéciles. Nous sommes Tortoli et Arbatax. Vous êtes des piques assiettes du pouvoir. Qui vous a dit ça? Et quand vous l'aurez plus ce pouvoir, vous savez où vous allez vous retrouver? Dans la merde. C'est votre élément, la merde. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est des mouches à merde. Et maintenant, un petit peu de musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Musique. De retour, vous écoutez Radio Panique. Les présentations sont faites. C'est bon, c'est bon. Tout bien, amigos. Hey. Voilà, Tortoli, Abatax, Radio Panique. Carnaval, c'est soleil, c'est bon. C'est la semaine de carnaval ici en Belgique, c'est les vacances. Ça clash, c'est l'expression de la semaine, you know. C'est donc l'expression semaine, semaine espaçante. Alors cette semaine ça a voté sec sur le Facebook de Tortoli Arbatax. J'ai du mal à faire l'accent brésilien tout le temps. Alors je m'en repose un petit peu. Pas problème, moi j'ai accent. Pas tout cher. Moi j'ai accent tout le temps, y a pas problème. Ça va. Tu veux faire les récapitulatini ou de la semaine dernière? Pas problème. Pas problème, combien y a eu? Alors y avait Tortoli, toi-même tu proposais Brochant et au courant. Ah, je pense que j'ai marqué beaucoup de goals. Du coup 4 c'est bien. Et moi j'avais au top de ma folle qui a rapporté une voix. Non, c'est moi. Oh, oh non, fallait pas le dire, ça m'inquiète. Non mais je suis encore plus. Oh non, mais là. Je pensais pas que. C'est branlé inouche, Déjà que je récolte une voix et en plus t'annonces que c'est moi, que c'est toi, pardon. Ouais. Bon bah c'est pas grave, merci en tout cas, Maguette. Donc t'as bien aimé cette expression quand même? Bah oui. Au top de ma folle. Bah ouais, à fond. Alors, bah voilà. Arrêtons de parler. Est-ce que c'est Brochant au courant qui a gagné? C'est vrai. Tortoli... T'as vu ce mix d'accent russe et brésilien? C'est Brochant au courant qui a marqué. Un an. Et ben du coup Tortoli qui avait un petit retard en ce début d'année 2011, qui avait accumulé un petit retard et qui remonte depuis fin février. Toi le retard tu l'avais dès le début. Bam. N'importe quoi mec, c'est toi qui arrives après. Bon, du coup on se déclare égalité, on se serre la main, ça va? Vas-y. Ah, t'es pas lavé ou quoi? Non, ça c'est bon. T'es pas lavé, nous. Pas touché, moi, pas touché. Pas touché, toi. Donc du coup, bah voilà, merci aux éditeurs qui ont voté. Et vous inquiétez pas, va falloir encore relever les manches parce qu'on vous en repropose deux cette semaine. Exact, Inouche, moi mon ami Gouche. Et toi la tortolouche là, c'est. Ah, moi tu l'auras deviné facilement, puisque j'ai une carnavalite aiguë, une portugaisite aiguë. Je parle toujours Inou, parce que c'est la semaine du carnaval, alors tous les mots tu les finis par Inou ou tout ben Inouche. Tout ben. Pas problème, Inou. T'as vu, je commence déjà à m'énerver Inouche quand je parle comme ça. T'énerve pas. Bon, voilà, bah votez pour moi Inouche, mes amis Gouche. Une spéciale carnaval de Tortoli, ça fait zizien. Et donc, en face, moi je mets. Hein, qu'est-ce que tu mets? Bah, tu vois, quand c'est cohérent, et ben on dit que ça cohère. Hein, ça te va? Ça te va? Ça cohère. C'est pour moi. Ça cohère. C'est en deux mots, hein, je rappelle. Ça. Ça cohère. Cohère. Très bien. Très bien, Inouch. Cohère. Alors, pour voter, j'arrête avec cet accent. Enfin, un petit peu. Non, repose-toi deux minutes, ça va. J'ai mal au nez à parler comme ça. C'est carnavalesque. Pour continuer à voter, c'est toujours pareil. Facebook in you. Facebook in you. Ou Gmail in you. Ou Gmail in you. Et voilà. Gmail in you, c'est www. Tout attaché, tortoliarbatax@gmail.com. Et voilà. Et voilà. Tu votes. Tu votes pas, c'est pareil. In you. Et je gagne. In you ou ça cohère. Je vote cohère. Ok. Très bien. Continuons sur cette lancée carnavalesque. Vous êtes sur le 105.4 FM, c'est Carnaval, et là on repart justement avec Naive New Beaters. Ça faisait un petit bout de temps qu'on les avait pas passés. Là ils sont un peu tranquilles en ce moment. Ils ont fait un petit remix, il me semble. Voilà, c'est ça, ils nous font rien que des remix en ce moment. On passera peut-être, ils ont remixé Puppet Mastaz, vous pouvez aller voir ça sur internet. En attendant, on se prend un vieux morceau qui s'appelle Janeiro, en hommage au Carnaval, et puis juste derrière il y aura le Tucayo de Sridim, fameux morceau de Us Free. Tout caillou qui était sur le label Blue Note. C'est la doublette. In you. Naive New Beaters, US Free. Ciao. Tonto in you. This is about the death's line. Stop on the people, miss the deadline. Stabbed and tagged in my back. Love when the bones crack. You know it's like that. Woman always asks to deploy the pack. And one day you'll get to do that to the nice lady. Come back. Take it easy, Russell. Chew me like a pretzel. Ain't constant wrestle. Struggle, but don't always show muscle. You're bouncing everywhere. I know rare is a place where you feel safe. Heartbeat and fast pace. We're made of that. Your metal body part. Room is the very pleasure when you're at. You're at. Growing seeds and yet nothing's coming. Room is the very pleasure when you're at. When you're at, you're at. Growing seeds and yet nothing's coming. It's the very pleasure when you're at, you're at. Growing seeds and yet nothing's coming. Yes, I'll meet you at the park. If you wanna show me what you got, scream stop if it gets too hard. Dudes like you don't look at me like you do. Impressed, but it's hard to hide the stress. Know how, but right now we're useless. You have a different conception. Enough of a good reason. Capture attention. Head start to move, it's a good impression. Now or never, too narrow for fever. Rio de Janeiro forever. Pitch and capture feeling and hear me, I'm leaving. It's the very pleasure when you're at. You're at. Growing seeds and yet nothing's coming. It's the very pleasure when you're at. You're at. Growing seeds and yet nothing's coming. It's the very pleasure when you're at. You're at. Growing seeds and yet nothing's coming. It's the very pleasure when you're at. You're at. Dans un club comme d'habitude, j'ai aperçu à travers le fumigène Tortoli et Herbatak. Nos yeux se sont rencontrés seulement un instant, mais depuis, je suis tout feu, tout flamme. Schism, Takadio Tajata, right in the rhythm, sin. Live and direct this year, watch all the human conflicts open gear, hear the sin. Watch me. because they rhythm it, cool rhythm it, nice rhythm it, sweet rhythm it, shit. Cause some of them are bigger than most and they don't know how fit, shit. Cause me cooler than ice, cooler than the North Pole. Cause they want to come test their rule, why but them just can't do it. Only they want to tackle, but they want to impress. But they know that they have the color rule, why come in live and direct. Whoa. Wa-da-da-dang-da-da-dee. Then the young man a come fi get them problem. Wa-da-da-dang-da-da-dee. Watch me. Cause some of them big, some of them small, some of them are them kinda sweet. None of them are girls, them enough what they them just a look at the talk I eat. Cause they want to be nice, want to be sweet, want to be now and everywhere. Cause me sit up at the top of their ribs and they know me just don't care. Because they want to be this, want to be this, want to be now and like all that. Cause they know so they talk I you me just a move up on this spot. Wa-da-da-dang-da-da-dee. Then the young man just a give them problem. Wa-da-da-dang-da-da-dee. Watch me. Come back again. Wa-da-da-dang-da-da-dee. Watch this. Give me a break. Cause you know some nice, know some sweet, know some better than the rest. Who knows if they talk or you can catch him live and direct. No me, all up or top. No me, 6'2". And me, come in a dance and no me do it for you. Cooler, cooler than ice. Nicer, nicer than breeze. Ready for the nice up and in the dance. Because you know me do with the ease. For the man a one, for the man a two, for the man a two, for the man and three and four. Cause you know so the talk of you make comfy. Knock on your door. But enough for the girls them a days them just a like how me chat. Cause I'm ready man blues, ready man blues, ready man blues, ready man dad. Wa-da-da-dang-da-da-dee. Then the young man a comfy get them problem. Wa-da-da-dang-da-da-dee. Watch me. L'agenda Q. L'agenda culturel. L'agenda culturel. Yo, on vient partager nos bons plans soirée. Tu veux savoir où écouter du bon son cette semaine sur Bruxelles? Ce week-end? Tu veux savoir où aller te la coller tranquille avec mademoiselle ou avec tes potes? C'est ici que ça va se passer. Je te mets un petit peu de musique, tranquille. Moi je connais direct. Tu reconnais? Ouais. Ah ouais. Elles étaient trois. Elles aimaient bien la mayonnaise, mais surtout le ketchup. Ah, oh, la ketchup. Ah, c'est vrai. Exact. Non. Bon, bon, bon. Je le mets pas trop fort pour pas trop te déconcentrer. Alors, on se fait un petit agenda cul. On se fait un petit plan à trois là, Maguette, parce que Maguette, ouais, tu nous as trouvé quelques bons événements ouais, aussi. Ouais, ouais. Ok, ce sera, c'est quoi? C'est à voir, à boire, à écouter. À voir, à écouter. Ouais. Un petit peu de tout quoi. C'est mais bon, je pense qu'il faudrait présenter Maguette. Enfin, représenter, genre avec un jingle. Je présenter pense. De nouveau. Je pense. Ouais. Si ah ouais, t'as pense. L'air de bien vouloir. Comment tu t'appelles? Mademoiselle Maguette. Comment tu t'appelles? Mademoiselle Maguette. Comment tu t'appelles? Mademoiselle Maguette. Et avec ceci, oui. Ce sera tout? Non. Et avec ceci, oui. Ce sera tout? Non. Et avec ceci, oui. Ce sera tout? Non. Ce sera tout? Non. Bon bah voilà, les présentations sont faites. Yeah. Tout le monde est au complet, donc on fait un agenda Q à 3. Un plan à 3. Un plan à 3. Un plan à 3, trop bien. Agenda QA3, c'est bon ça? Cool. Alors, ça commence avec l'aide de Guillemette d'habitude. Je sais pas si on peut la voir cette semaine. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est arrivée? Je sais pas, j'ai pas entendu l'interphone. Elle est arrivée, mais elle était un peu en retard. On va voir ce qu'elle dit. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait ce soir juste après? Mardi. Parce qu'il y avait la SketchUp qui était en train de. De ketchuper. C'est vrai, mais ça me dérange pas. Elles peuvent ketchuper tranquille. Je parle dessus, je m'en fous. Je m'en fous, elles font ce qu'elles veulent. Ce soir. Mardi, écoute, j'ai pas vraiment de trucs prévus. Je sais qu'en tout cas, on serait sur une journée de la femme. Apparemment, c'est vrai ou faux? C'est pour oui, ça que Maguette est là. Ouais. Non, mais moi, je suis pas. Je défends pas cette journée. Ah, tu défends pas les femmes? Vas-y, on défonce alors. Enfin, on devrait plutôt l'appeler la journée de. La meuf. Non, mais. La zouze. Le respect de la femme, enfin, je sais pas, le fait de faire une journée de la femme, c'est de séparer les femmes et les hommes, enfin. 364 journées d'hommes et une journée de femmes. Il y a du retard. Déjà, c'est pas Mardi Gras ce soir? Si, aussi. Donc c'est un peu votre fête, quoi, vous êtes contente? Gras. Tranquille. Du coup, au niveau culturel. Je sais pas, moi je vais aller faire un volley-ball avec ma meuf, un truc comme ça. Respect. Bah non, bah moi je vais. Maximum respect. moi je vais bouffer des crêpes. Tranquille, devant la Champions League. Ouais. J'en ai de la femme. En regardant le carnaval de Rio. Oh, c'est bon. La suite. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait demain? Nous serons demain, le mercredi 9 mars. Alors qu'est-ce qui se passe le mercredi 9 mars? Je sais pas, vous avez quelque chose? Non, moi j'ai page blanche. Quel rythme? Ouais. Quel rythme dans cet agenda cul? Ok. Bah, on fait des plans à 3 quand vous voulez. On passe à la suite. Y a pas de soucis. En avant mars. Eh les gars, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Jeudi. Jeudi. Jeudi, oui. Moi j'avais un petit peu quelque chose de mercredi, comme j'ai quelque chose ce soir, comme j'ai quelque chose. En fait, on en avait pas parlé la semaine dernière, mais il y a le festival Anima, c'est le festival de films d'animation. Non mais ça, on le sait quoi. On le sait. Sauf ceux qui n'écoutent que Tortelier Batax. Il y en a. Dernier sur la culture. Tortelier. Bon alors ça consiste en quoi Anima? Voilà, c'est un festival de films d'animation et il y a plein de projections, des rencontres avec les auteurs, des événements. J'en passe, c'est c'est à Flaget, dans le bâtiment de Flaget, juste à côté du Belga, tu connais. Moi, je pense. Voilà. Puis les prix sont assez démocratiques. Hein. Mm-hmm. Voilà. c'est des séances de cinéma d'animation. C'est pour les enfants ou quoi? Ben non. C'est des dessins animés. Mais non, non, il y a plein de films d'animation. Pourquoi tu montres un écran noir comme ça? Merci. Caresse-le. C'est ça le film d'animation. Voilà. Oui, non, mais j'adore l'animation. Et bah très bien, on va t'y retrouver puisque c'est du 4 au 13 mars, donc il te reste assez peu de temps jusqu'au 13, donc dimanche soir. Dimanche soir, la clôture. Tranquille. Vous avez quelque chose? Là, on était sur le jeudi. Non, mercredi. Oh là, okay. Non, mais heureusement que t'étais là pour sauver mon jeudi soir. Quoi. Non, mais si, jeudi, il y a plein de trucs jeudi. Ah bah voilà, on se réveille. Mais oui. On voit. Jeudi, il y a une sélection de Air Guitar. Ah, ça y est, c'est cette semaine. Les fans d'Air Guitar peuvent tenter leur chance au Delirium. Bah, okay. Faire une démonstration pour être sélectionnés pour la finale qui aura lieu à Dour. Au festival de Dour cet été, ouais. Et ils veulent battre le record du monde de personnes qui font en même temps donc, du air guitar. Alors, qui font en même temps, c'est-à-dire? Dans le public. Ok. Vu qu'il y aura beaucoup, enfin des milliers de personnes. Il y aura des air bands alors? Dans le public, tu vois. Ah, juste dans le public. Ouais, ah, pour battre le record du monde de gens qui font de l'air guitar en même temps. Ah, d'accord. Okay. Est-ce qu'il vaut mieux le savoir ou pas? Franchement, je sais pas. J'ai su qu'à une époque, les air bands étaient interdits. Quoi. C'est vraiment c'est du air guitar, c'est-à-dire tu dois être solo sur scène, puisque je me rappelle en 2009, le air band était interdit. Bah, à l'époque, ça s'est fini en toute violence. Fortement prohibé. Hein. Ouais. Ça, c'est fortement prohibé. Quoi. Bon, en tout cas, voilà. Donc, voilà, c'est un tour jeudi. Au Delirium, jeudi 21h. Ça va? Air guitar, quoi. Ouais. C'est pour mettre un petit peu de rock'n'roll. Ouais, c'est des gros classiques qui passent là-bas. On connaît. Voilà, des gros et du classique. Jeudi, Tony Touch au Tavernier, DJ 7. C'est bien ou pas? Ouais, bah c'est un DJ producteur de hip-hop américain qu'on surnommait le Mixtape King. Voilà. J'arrive pas à traduire. Tu peux le roi de la cassette. Le roi de la cassette. Ah d'accord. Voilà. Okay. Il a l'air du son nouveau. Donc, alors. C'est Vendeur en tout cas. Tony Touch. Jean-Claude Vendeur. Il y a deux trucs aussi. Il y a un truc au Bonnefoy. Ah vas-y, uh-huh. Alors dis-nous. Danny Brex, DJ Grasshopa et DJ Sofa. DJ Sofa qui est ici bruxellois. Il y aura des canapés à l'apéro ou pas? Pourquoi? Non, c'est parce que... Sofa. Ah ok, ouais. Non. Sofa. Donc voilà, et en concurrence avec ça, il y a donc au Central aussi... Café Central, Saint-Géry, on rappelle. Ouais. Donc pas très loin du Bonnefoy aussi. Et là c'est Richard Colven, un mec de Liège. Et donc c'est du glitch, voilà, électro, hip-hop électronique, tout ça. Du glitch sur tes lèvres. Tranquille. Et du glotch un petit peu par ici. J'ai mis du glitch sur mes lèvres. C'est carnaval quoi. Ah Toto Ben, oui, j'avais oublié. Ah là là, cette semaine de carnaval. Donc Tony, ça c'est pour Touch, jeudi hein, tout glitch, ces... Café Central. Je sais pas, mais on... Maguette, c'est bon pour le jeudi ou on passe au vendredi? Ouais, c'est bon. Allez, en avant mars. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi pour commencer bien le week-end? Alors vendredi, Là, je me réveille. Déjà, on disait que notre ami Dr Quest faisait une petite sauterie au flip. Exact. Hein, du côté de Flagey, au tout début de la chaussée de Bondao. Voilà, c'est dans le cadre des soirées Switch, hein, hebdomadaires. Et tellement drôle. celle-là j'y tiens. Et donc voilà, bah Dr Quest il fait sa petite sélection tranquille hein, il prend son pognon et s'arrache. Voilà, ça c'est... Ah non, mais on le connaît le Kalonji. C'est entrée gratuite hein. Par contre vendredi si t'es un petit peu motivé à sortir de Bruxelles et à te rendre dans le plat pays, Maguette, tu m'as parlé d'un truc. À Gand. Ouais. Donc c'est sous la houlette de Lefto. Je peux pas aller à Gand. T'as pas de main? Bah non, je peux aller à Gand. Eh ben, faudrait que tu te lèves tôt. Donc le DJ... Comment ça se passe, Maguette? Donc c'est Lefto, DJ hip-hop flamand, hein, enfin belge, on va dire. Bah ouais. Et donc c'est une grosse soirée, ça va être du lourd. Donc c'est Overreuth, belle salle, si vous avez l'occasion d'y aller. Et donc il y a Kid Koala, Ninja Tune, Manta. Et il y a Lefto aussi et Grems de Paris. De Son of Beach là, non, c'est pas ça? Son of Kick. Non, ouais, c'est lui non. Qui avait fait le titre Son of Kick, qui avait participé au titre. Ah ouais. C'est pas un label qui s'appelle Sons of Beach ou je sais pas quoi. Bon bref, peu importe. Je ferai mes recherches. C'est toi le Son of Beach, mon ami. Donc voilà. Beach you. Beach, la plage. Voilà, beach. Ouais, 16,50€ quand même. Ça va, non, mais ouais, donc au niveau des. Mais il faut. Si vous avez moins de vous bouger jusque là, c'est le truc à faire vendredi. Ok, mais si t'as pas les moyens. Si t'as pas les moyens, et ben en mode local quoi, plus localement. En local, bah, vous pouvez aller voir. Il y a des. C'est le festival Les Arts Urbains, donc les arts danse urbaine, hip hop, donc breakdance. Au Palais des Beaux Arts. Ça c'est très bien ça. On en parle jamais de la danse. À partir de 20h, mais sinon à partir de 19h dans les galeries Ravenstein. Il y a des gens qui vont danser. Donc là, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Cool. Et une grosse démo géante, quoi. Ouais. Et sinon, cool. Au Palais des Beaux-Arts, il y a des grosses compagnies. Par exemple, il y a la Rav Crew qui a gagné donc, le World Hip Hop Dance Championship en 2009, quand même. World DMC. Et le samedi aussi, une compagnie anglaise, Unity, qui T'as a gagné aussi le IDO Championship en 2008. Donc. Que des vainqueurs, quoi. Voilà, c'est à voir, je pense. Ouais. Que donc, des points, ça sera frais. On le rappelle, donc, sur le thème de la danse hip-hop, vendredi, moitié gratos dans les galeries Ravenstein. Et payant au Palais des Beaux-Arts. Ravenstein. Et 20h en mode payant, juste en face à Beaux-Arts. Ça va, ça le fait. On clôture vendredi. T'es ouf. Non, désolé, on clôture pas encore le vendredi parce que même si t'as pas d'argent, t'aimes pas le hip-hop et tu peux pas te déplacer, il reste encore quelque chose. Il reste les soirées anti-tapas qu'on présente plus. C'est fat. Non, mais c'est bien, il y a de la vibes là-bas, c'est cool, il y a. Voilà, exact. Il y a du bichon. Soirée anti-tapas, c'est vendredi 11 mars et c'est à la Maison de la Culture de Saint-Gilles, rue de Belgrade. Rue de Belgrade, toujours. Voilà. Toujours. Et au menu de la partie, qui est à partir de 20h, il y a Billy Joe Band, Racho Mont, deux groupes italiens. Et la tête d'affiche, c'est W Victor, Donc c'est un Belge et c'est le, en fait c'est la soirée de la sortie de son CD. CD Release Party. Bien, bien, bien. Et du coup, on serait sur une ambiance un peu carnavalesque. Un peu aussi. Carnavalesque, un peu je sais pas, un peu Ritalo rigolo. Ritalo rigolo. Ritalo rigolo, voilà. Et, c'est bien trouvé ça. Il vous en coûtera 5€ avant 23h. Ou alors 5€ si tu viens masqué. Donc voilà, tu viens avec un masque, c'est quand même 5€. Mais si tu viens sans masque et après 23h, c'est 7€. Voilà. Bah les masques. Donc ça, je sais ce que tu vas faire. Bah je vais venir sans masque et je vais payer 5€. Voilà. Ils vont croire que j'ai un masque. Et comme d'habitude, si vous vous pointez assez tôt et que vous n'avez pas bouffé, et bah il y a de la food. Il y a de la food included. Bravo. Et ouais, voilà. Soirée anti-tabac, c'est vendredi. Canapé. Voilà, on s'allonge dans le sofa. C'était donc vendredi 11 mars et Guimet va nous faire passer tranquillement vers le samedi 12 mars. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi en mode Saturday Night Fever? Ah, bah, je la prends direct, vas-y. Parce que moi ça commence à 19h. Vous avez avant vous? Non. Non. Ok. Alors, t'as avant 19h? Annonce. Ouais. Alors j'ai. T'as rien du tout. Allez. Non. Ouais, d'accord. Ah, mais moi j'ai l'after du carnaval. L'after du carnaval. L'after du carnaval. Donc il y a un carnaval dans l'après-midi. Oui. Je sais pas. Non, on en sait rien. Je sais pas. Mais c'est carnaval chez moi en tout cas. Voilà, carnaval dans ton slip, mec. Dans ta tête. Exact. In you. Ok, bon, tout ça, ça couvre pas du tout. Alors, du coup, j'enchaîne à 19h samedi. Bah, vous connaissez le Recyclard. Et ben, juste derrière, il y a le studio Marcel qui s'anime de temps en temps. Et à la base, c'est un studio de photos. Donc, il y a le bien nommé Marcel qui vous prend photo. Et cette semaine, c'est sur le thème du tennis vintage. Donc, la soirée s'appelle Tennis Not Dead. Donc, ils nous demandent de venir un petit peu comme ça habillé. Tu te rappelles Henri Lecomte, Boom Boom. Björn Borg. Tout ça, Björn Borg. J'ai vu qu'il a sorti des slips. Et Lina Stars. Il a une chaîne de vêtements. Oui, il a une chaîne de slips. Ouais. Une chaîne de slips. Comme Valbuena. Une ligne de vêtements. Mais c'est pas la même taille. Non. Et les Suédois, c'est bien connu. Donc voilà, tu ramènes tes petits bandeaux éponges, tes petites Stan Smith. Tes petits bandeaux. Tu te mets avec ton petit short moulant et tout. Tu te rases pas et tu viens avec tout ça. Et ah puis, oui, il y a mon ami Gustavo Quarten qui va venir. Gustavo, Gustavo Guga. Ça va, ça coère. Et voilà, donc sur le thème du tennis, un petit peu avec la raquette en bois comme ça. Bref, tu viens, Marcel te prend photo dans le studio, mais en plus il y a apéro, bien sûr, ça sert à boire là-bas. Et puis il y a de la zik, il y a Vitas Gerulaitis. Il avait bien lu son texte. Et ses potes, donc qui donneront un concert. Et puis Marcel vous prend photo. Les décors sont signés Sarah Atka. Et puis il y a aussi le DJ Rodolphe Coaster. Et puis aussi le DJ 6-0-6-0-6-0-7 et match. Voilà. Voilà, mais j'aime bien ce nom de DJ, je sais pas qui c'est, mais je lui tirerai toutes mes ficelles de caleçon. Ouais, tu lèveras la raquette. Pour son nom, j'aime bien ce nom là. Voilà, donc ça c'est à partir de 19h, donc pas mal pour l'apéro quoi, mais j'espère que vous avez d'autres choses pour la suite quoi. Moi j'aime, mais je vais laisser Maguette. Non, mais moi j'ai juste un truc. Fais quoi toi samedi Maguette? Je vais laisser Maguette dans la balance. Balance. Tiff Schwartz au Fuse. Tiff Schwartz. Donc c'est deux DJ allemands électroniques. Voilà. Toi c'est ça pour toi. Ouais, je sais pas. C'est on verra l'état de ma bourse et ma tête. T'as failli mettre l'état de la bourse, tu sais, faut plus y compter. Hein. Voilà, le 440. Le 440, là c'est fini tout ça quoi. Bon, okay, Fuse, donc DJ allemand. Toi t'as sûrement quelque chose. Bah ouais, grave, Maison du Peuple, Parvis de Saint-Gilles, 1060. Ah, tu connais. Voilà, et là, il y a nos petits poteaux de Radio. Parce que la Maison du Peuple nous avait gratifié en invitant Mister Valère. C'était quoi, octobre, je crois. Ouais, c'était en octobre. On avait réalisé une petite interview. Voilà, exactement. C'était très sympathique. Vous pouvez la retrouver sur le Facebook en descendant, puisqu'il faut aller jusqu'au mois d'octobre. Bah, sinon, la page de Tortelière Batac sur Panique. Sur panique.org. Donc, du coup, ils continuent un petit peu sur cette lancée québécoise. Et là, ils invitent Radio. Qui est un groupe de mecs un peu funky hein, comme Mister Valère, un petit peu comme le Québec quoi, un petit peu marrant comme ça. C'est pas du tout raciste ce que je dis hein. c'est amical et les mecs s'appellent Radio, donc c'est du hip hop mais voilà, un petit peu déjanté avec des sons électro. Moi ça me rappelle un petit peu tout ce qui est enfin je sais pas, nous on a eu un peu TTC tout ça là, qui délire un peu la vague électro hip hop voilà Parawan tout ça électro hip hop. Et du coup les mecs de Radio ils seront là, ça a l'air bien, franchement ça a l'air bien. On va même s'en passer passe un morceau juste après, donc soyez patients encore quelques minutes et on se passe le morceau dans mon jacuzzi. Jacuzzi. Jacuzzi. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne Radio Radio. Il me semble que c'est gratos, donc Maison du Peuple. Ouais, hein, ouais, c'est gratos. C'est voilà, Rocks Populi, machin. De temps en temps, ils ont des bons petits trucs et ça, c'en est un bon. Moi, mon petit Arbatak, je suis plutôt reggae ce samedi. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Mec, il y a la soirée Aquabass Session, c'est la volume 2. Et ça se passe, sur cette petite péniche, justement. Qu'est-ce que t'as contre les péniches? Tu veux mon péniche ou quoi? Non, ça va, j'ai pas besoin du tien. Mon péniche dans ta gueule. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Rixboat, voilà, ça s'appelle le Rixboat. Et bah à oui, partir de 22h. C'est moi. Et t'inquiète pas, l'ami, ça coûte que 5€. Et je sais pas comment on dit en guest, quoi. Un petit peu en tête d'affiche, Big Arings, qu'on a passé quand même 2-3 fois dans l'émission. Moult fois, ouais, exact. Jeune toaster, jeune MC dancehall français. Big Arings, ça, rien que pour lui, ça vaut le coup. Il sera accompagné de son pote Attili Bandalero. Et Big Arings, il avait remporté les Bras d'Or. Il avait gagné la catégorie des blancs qui chantent comme des noirs. Ouais, exactement. Ça, on peut réécouter également, enfin, comme Mister Valeur, l'interview en octobre. On peut réécouter à partir de la page de Tortelier Arbatak sur Radio Panique. Continue. Tu fais ça bien, mec, tu fais ça bien. Et du coup, moi, j'ai plus qu'à annoncer que à cette soirée, il n'y a pas que Big Arings, il y a aussi Pepper Seed, bien connu sur Bruxelles. Et puis, bah, vas-y, j'annonce, hein, pour tous les fans de reggae dancehall, il y a Jamin Troopers, LS Dub en featuring avec Tilla Berry, Radical Sound System en featuring avec Poupa Sonic, MC César, il y a The Mighty Patch Dub en featuring avec Hitchman, G-Lo, mec, il y aura G-Lo. Ah, elle vient. Ouais, ah, bah, avec son fat booty. Bah, ça tombe bien sur une péniche. Et puis, enfin, Lil Sensa. Voilà, et en fait, il y a deux étage sur cette péniche, donc voilà, moi je suis précis, je vais jusqu'au bout. Gilo sur la péniche. Sur mon péniche. Et en fait, dans la soute, ou je sais pas, à l'étage, ils font une deuxième ambiance. La soute de Gilo. Ils font une deuxième ambiance en mode un petit peu dubstep, jingle, ah ouais, etc. Donc plus tout ce qui est dérivé des rythmes reggae, mais en mode électronique. Voilà, donc. Et du coup, là, pour les connaisseurs, pareil, hein, seront présents Pneumotrax, Raka Baobab, Apache aka l'Indien, DJ Initial en featuring avec MC Aphone, Master One, etc. etc. Donc deux salles, deux ambiances. Pneumonie vient. Pneumotrax, ouais. Ah, ok. Ouais. Et bah voilà, 5€ à partir de 22h, ça va aller jusque tard dans la nuit, je pense. Et il y a de fortes chances de m'y croiser, peut-être accompagné. Non, c'est pas une annonce. Non, mais c'est bon, ça donne vachement envie de venir, quoi. Non, je suis juste en train de t'inviter à ce qu'on aille là-bas, quoi. Reste en distance. Je pourrais mettre ma raquette en bois dans ta housse. Non, dans JO seulement. Donc voilà, donc ça c'était pour samedi, hein. C'est plutôt cool, quoi. Moi je la sens bien cette soirée. Est-ce qu'il y a quelque chose dimanche? What else? Et les gars, à partir du dimanche et la semaine après, il y a des trucs. Dis-moi oui, dimanche, dis-moi non. Moi j'ai rien. Maguette, t'as moi quelque chose? Maguette, non. Allô. Non. Non. Non, toujours pas, je sais pas, on a qu'à les brocanter, chiner en mode chinois au jeu de balle, comme d'hab. Très bien, passons. Faire du frisbee à Mali, je sais pas, ce que vous voulez. Passons à la musique, passons au jacuzzi. Yo! Rentre dans mon jacuzzi, donc c'est Radio-Radio qui t'a annoncé et qui seront samedi à la Maison du Peuple. Voilà. C'est free et c'est canadien et c'est Radio-Radio. Et on va tenter de s'en mettre un petit stupéflip derrière, pourquoi pas? 105.4. J'ai la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Le jacuzzi plein de clowns, c'est le festival. Un jacuzzi extra large, on fait des fesses de cheval. Ma jacuzzi baigne-toi, submarine, wash-toi. GPS sous l'eau, les nouveaux jacuzzi. On boit du homemade wine, des grosses bouteilles. Ta jacuzzi, believe you me, pas pareil. Je vends des one-way cruise, ça vole toute ma jacuzzi. A shake is in me, parce que je vois ta jalousie. Bump that, j'ai une boule dans ma jacuzzi. Put bidding sous la seule roue, ma jacuzzi. Jacuzzi, juste comme dans les movies. Mais je prends un chicou, puis les femmes me sont. Allez, grosse, puis pleine mots, comme les femmes que j'aime. Ma jacuzzi est trop belle, faut plus grosse clatchette. Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous aller dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Voilà ça que j'ai vu dans mon jacuzzi. T'es mon MP des UFO dans mon jacuzzi. Y'a des pro synthèse pour des fêtes dans ma jacuzzi. Y'a des blancs pis des adjacs qui se battent dans ma jacuzzi. Je porte une goose fur dans ma jacuzzi. Ma vie a changé depuis que j'ai une jacuzzi. Je mange des onion rings dans ma jacuzzi. Chaque jour c'est Noël pis je paye pour un tas. J'ai une goose jacuzzi juste comme dans les movies. Mais je fais que je suis cool pis les femmes aiment ça. Allez goose pis pleine comme les femmes que j'ai. Ma jacuzzi est trop de fois plus goose la chair. Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous aller dans mon jacuzzi? Écoute la musique qui joue, c'est mon club city. Et c'est Tony 7, elle s'appelle jacuzzi. Surf and turf, mon jacuzzi, le monde surf. Envoyé de 9 à 5, donc qui fait le snap. Moi j'te dis dans ma jacuzzi, la vie est simple. J'vois les connards qui veulent tout ma jacuzzi. Parle de touristes que je fais pour ma jacuzzi. 2 millions de touristes pour ma jacuzzi. Private jet landing strip pour ma jacuzzi. Ça prend une autre planète pour ma jacuzzi. Tout le monde se fait mettre dans ma jacuzzi. Ça prend une autre planète pour ma jacuzzi. J'ai une grosse jacuzzi juste comme dans les movies. Mais j'en prends un jacuzzi puis les femmes me sont. Allez grosse pis pleine comme les femmes que j'ai. Ma jacuzzi est trop mais faut plus grosse clatchette. Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous aller dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Tu peux voir ma jacuzzi de la Deep Space Nine. Allez grosse gas power puis le moteur pousse. Assis sur mon trône avec mes chaînes cell phone. J'ai des calls qui me réveillent à cause y'a 7 time zone. Easy breezy beautiful jacuzzi. Beautiful jacuzzi. Beautiful jacuzzi. Peace and love. J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Tortoni et Arbatax. Un jour on l'aura dans l'oignon. Quatre, cinq, sept, sept. La menuiserie, mec. C'est jusqu'à la mort, pas d'affinité avec ces porcs qui sont pas de mon bord. J'ai choisi ce son car il est bon comme un bon bourbon. Moi ma rage la fous pas n'importe où, j'en fais des chansons. J'ai pas de crainte, plein de croûte, check un peu ce casse-croûte. Y'a pas de mouton qui broute ou qui s'en foutent sur mon autoroute. Retour en arrière, autant du son qui vrille la tête. 91, 92, 93, le temps des cassettes. Petit genou sur YouTube, sûr d'avoir tout pigé. C'était pas là au bout, tant que certains n'étaient pas nés. C'est pas le goût de salsifier, si ça le fait, c'est pas falsifié. Stup, fou des baffes abrutis, causeront défier. Prendre des petits bouts de trucs, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Prendre des petits bouts de trucs, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Prendre des petits bouts de trucs, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Écoute le résultat tranquille dans ma chambre. Maman s'il te plaît ne m'envoie plus à l'hôpital. Je n'en peux plus, je m'y sens mal. Pas l'hôpital, pas l'hôpital. Là-bas les gens sont trop bizarres. Quand je pense à eux je fais des cauchemars. Mentalement je n'ai pas de retard. Maman je ne veux plus les voir. Je te jure que je suis plus fou. C'était avant quand j'étais fou. L'autre fois ils voulaient me taper. Je ne supporte pas l'antibou. Je t'en supplie les appelle pas. Ils vont me sucer le cerveau. Non maman non ne le fais pas. Je serai doux comme un agneau. Ils me donnent des coups de trique. Ils disent que je l'ai mérité. Ils me bourrent le barbiturique alors que je n'avais rien fait. S'il te plaît tu sais bien qu'ils vont m'attacher. Maman, je t'en supplie, je ne veux plus y retourner. Prendre des petits bouts de trucs, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Prendre des petits bouts de trucs, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Prendre des petits bouts de trucs, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Écoute le résultat tranquille dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux qu'on stoppe? Pourquoi t'as qu'à presser sur stop si ça constipe? Ma peau, mais je suis déjà mort. Déjà tout petit, j'avais pigé que j'en avais déjà marre. Pour te cacher, c'est pas du cha-cha-cha, pas de chichi, et c'est pas de chi comme Saint-Pierre Natacha. C'est très fâcheux, je suis trop fâché, car tout est fichu. Continue à faire chier, tu finiras au CHU. C'est la SSH, lapin, viens pas test. Les responsables seront punis, je les déteste. C'est la catastrophe, le fléau déboule sous Iristoff. Les héros, j'adore, car ils se reconnaissent dans mes strophes. Prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Prendre des petits bouts de trucs. ensemble. On prend des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Et écouter le résultat tranquille dans ma chambre. C'est encore du stupéflip, on en bouffe, on en veut. Et allez-y, hein, choper ça, allez acheter le Scud parce qu'en plus c'est autoproduction. C'est autoproduction, ouais, le gars il s'est fait virer de sa major, là, de sa boîte de prod. Du coup, c'est son propre argent qu'il a mis. Hein. Ouais, il a tout mis. Son deuxième album était en 2005. Et là c'est 2011, voilà. Donc le gars il a mis quasi 6 ans à faire le bousin. Et ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup. Et franchement, depuis ça le temps vaut le que coup ça, d'aller mettre 10-15 dollars et de commander le Scud. Voilà, ça faites s'appelle pas Stupéflip. Les radins. Faites pas les radins. C'est notre petit coup de cœur, coup de bite de la semaine. C'est mon coup de cœur. C'était le deuxième, il s'appelle comment ce morceau-là? Celui-là il s'appelle La Menuiserie. Menuiserie. Il y a plein de tripes. Voilà, il y a un mec qui s'appelle Popip, en fait, un personnage dans l'album qui fait des chansons pop et Popip, qui sont aussi très drôles. Voilà, et tous les personnages sont très drôles. Très drôle. Tout est voilà. Tranquille. Ça cohère. Ça cohère. Gros coup de cœur de ce début d'année. C'est bon. C'est super bon. Flip. Et du coup, ce sera le dernier morceau de la programmation d'aujourd'hui, juste avant classique, juste le temps de vous rappeler, puisque j'y pense, que la semaine dernière on avait le Ziné Gloob. Oui, c'était une spéciale cinéma. Voilà, le petit collectif qui fait des avant-premières au cinéma Rambert. C'était super bien leur soirée. Donc restez en contact sur leur Facebook de leurs activités. Et en fait, au mois d'avril, ils font un medley. Enfin, ils font une soirée spéciale court-métrage avec une sorte de carnaval tout ce de qu'ils auront pu accumuler comme court-métrage d'ici et d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à leur envoyer les court-métrages que vous avez sous la main, que vous avez fait avec vos potes, des trucs drôles, des illustrations, des fausses pubs, des trucs badants, des trucs que vous avez filmés dans la rue, tous vos délires, quoi. Faut leur envoyer ça. C'est Ziné Gloob. Voilà. Ouais. Ils retrouvent le contact mail louche sur le Facebook, c'est ça, Ziné Gloob, ça s'écrit Z-I-N-E-G-L-U-B. Moi je l'aurais pas tenté, mais bravo, voilà. Tortellini, à votre Savignou. Voilà, et donc on va se quitter là-dessus. Restez connectés sur le 105.4 FM. C'est Carnaval, amusez-vous bien. On se quitte avec le classique, bah normal. Yes, juste avant Djibouti, c'est Kaoma. C'est Kaoma. Kaoma, la lambada. C'est la lambada, tranquillement, tout tranquillement. Voilà, bonne semaine de carnaval à tous les Belges et n'oubliez pas, votez pour l'expression de la semaine, faites-vous plaisir, dansez. Yo! Rigolez. Ça cohère, à la semaine prochaine. Merci Maguette, merci Tortoli, merci les auditeurs. Ciao les amis gauche. Taïo! Oh, c'était vraiment bien! Por um dia, um instante foi rei. c'est vraiment bien.